Oh, il est parti, Bilou? Bilou a disparu. Mais il est où? Il est pas parti comme ça? Sans dire au revoir? Reviens! Reviens!

Thank you. On dirait Benji. Je vais le mettre. Comment on sauvegarde un son perso? Comment on fait pour sauvegarder un son? Save as. Ça y est, j'ai réussi à sauvegarder. Compresseur et l'ampli l'ampeg. C'est quoi ça? C'est... Non, qu'est-ce que c'est que ce gros ampli de basse? Essaye en 32. Faut te soigner mon petit. Bon. Un, deux, trois, quatre.